Roland, Roland, hey. T'as pas de limite ou quoi? Hein? Hein? Tu respectes rien? Rien? Hein? Tu descends tout le monde? Tout le monde? Hein? Toutes nos vérités sont pas pour la dire, mec! Hein? Faut savoir fermer sa gueule parfois pour plaire aux gens! Hein? Ton million d'euros sale te donnera pas l'admiration de ton daron. Tu rêves, t'as changé, mais dis-moi si les larmes de ta mère, elles pourront faire le chemin inverse. Est-ce que quand les rappeurs vantent leurs potes qui charbonnent dans les sons, ça attire les keufs dans le check-son? Très bonne question. Ma phrase sur la religion m'a fait perdre des ventes. Tu me fais un rappel pour mon bien ou tu m'utilises pour gratter de bonnes actions? Le gros t'a dit nique sa mère la France, hein? Va t'installer au bled, hein? Tu bégayes, hein? Tu flippes de la guerre? Demande pas à ta femme si elle a toujours été fidèle. Dommage que les pages ne parlent pas, ma gueule. Si mon buzz bouge, mes straps du rap arrêteront de m'appeler. Si je baisse tout, est-ce qu'à moi aussi tu crèveras mes pneus? L'homme bon ou mauvais, ment comme il respire. Mais la poucave et la calculatrice disent toujours la vérité. J'engraine pas les petits, c'est les films et le manque de cash. Puis tu ne casses rien à la baraque, la baraque s'en charge. Vous êtes beaucoup trop prévisible. Mes punchlines ne peuvent pas me tuer. C'est moi qui les ai chiés, tu tombes dans mon jeu. Je ne peux que t'en remercier. Je suis controversé. Vous êtes beaucoup trop prévisible. Mes punchlines ne peuvent pas me tuer. C'est moi qui les ai chiés. Tu tombes dans mon jeu. Je ne peux que t'en remercier. Je suis controversé. J'ai pas tiré sur 50 dans mon clip arrêté, mais sur un cadre complexé. Les bourreaux noirs, on ne les trouve pas costés. Les stéroïdes ne rendront jamais assez stock pour porter le deuil. Les hémorroïdes, eux, prendront par le cul ton orgueil. Tu veux les dollars de Michael, que ça glisse à la Moonwalker? T'es sûr que t'es prêt à être vu comme un pédophile, ma gueule? Tu croises une actrice au McDo, elle prend pas de coca, mais elle a deux pailles. Elle va sûrement 9,19€ et que sa mère la 09. Tu fais trop le zaref avec ta meuf, je lui casse les seufs. Ne surestime pas tes couilles, t'arrêteras de dépendre. Équipe la levrette, c'est toi qui sais pas les demander. Les absents ont toujours tort, les morts ont toujours raison. La cellule et le cercueil te donnent du temps pour y réfléchir. Tu vas tirer sur personne. Tu vas juste te dégommer une canette de chute. Si c'est beaucoup trop précisible, tu les punchlines ne peuvent pas me tuer. C'est moi qui les ai chiés, tu tombes dans mon jeu. Je ne peux que t'en remercier. Je suis controversé. Vous êtes beaucoup trop prévisible. Mes punchlines ne peuvent pas me tuer. C'est moi qui les ai chiés. Tu tombes dans mon jeu. Je ne peux que t'en remercier. Je suis controversé. Ceux qui me critiquent font mon street marketing gratuit. Je suis pas celui que tu crois. Je suis pire que ça. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe quelle grande queue. Je suis contradictoire comme un Ashkenaz dans une Volkswagen.